Les routes ont pris des chemins parallèles. Quelques plaisirs câlins, quelques rêves pour demain. Tout s'est brisé soudain. L'amour s'est-il si vite éteint? Des fins sur l'écran blanc de leur drap. Le mot fin. Belle c'est la sonnerie.